souffrance ne se glisse entre nous, entre nos deux corps. Par tous les dieux, mais que te valent les saisons? T'aimais peut-être de quatre façons. Des circonstances, tu garderas l'essentiel. Un ami sûr, un ami fidèle. Je me tiendrai en arrière et guiderai tous tes faux pas. Te guérirai de tes colères. Nous marcherons. Sure.